sonne comme il tourne. La vie, c'est des joies, des peines, des rires, des pleurs, du loto. Que tu sois fort pour tout, ton passé n'est qu'une intro. Vive mort et ma photo. L'avenir est tien si tu te lèves tôt. Et le bonheur, c'est pour bientôt. Plateau pour le monde est devant toi. N'attends pas qu'il débarque, je n'en veux pas toi. Lève-toi, barre-toi, t'as des cordes dans ton arc, des flèches dans ton thank you. capture, ça suit pas en fait. J'ai rien au type pour toi, mais c'est ça la fin. Laisse-moi te surprendre chacun de tes pas. Je pourrais me suspendre la vie comme un chef. Pas, cherche pas, on fait pas, mais fou l'absent. Je me nourrir avec toi, courir avec toi, sourire avec toi, bébé. Je me mourir avec toi, et même après, je crois que je pourrir avec toi, bébé. Comment te dire tous mes sentiments? Comment finir sous ou pas, mais sous les draps gentiment? Comment je n'ai jamais su comment? Sweet.